C'est même petit bougira, alors je sais pas comment tu lui mettre un micro devant. En fait, hein. C'est des tirs. Pourri, tu me dis. Je vais essayer de mettre ma guitare, repiquer l'ampli quoi. Alors là, c'est un peu chiant. Je crois que je vais couper le micro, ça sera mieux. C'est un micro SM57, ça devrait le faire, non? Non, non, sur Bougira, il n'y a pas de... Il y a un gain, un tone, un volume et une reverb. C'est tout. Donc voilà, décide.